Quelque chose d'immense, quelque chose de minuscule, un musée galactique, une histoire d'amour mort. Ensemble, je les ai contemplés.

Le musée est immense. À moins de 1000 années-lumière de la Terre, d'innombrables mondes portent des constructions dont l'ancienneté est formidable et la destination impénétrable. Le musée est l'une de ces constructions. Yeah. Nous supposons que le musée fut créé par une espèce qui régna autrefois sur la galaxie, les Corlé Valulo. Le fantôme des Corlé Valulo a commencé à faire partie de la conscience de la race humaine lorsqu'elle s'est répandue d'un système planétaire à l'autre. Parfois, les Corlé Valulo sont décrits comme des démons qui se cachent quelque part dans une sombre nébuleuse, attendant le moment où ils s'abattront sur les hommes et nous balayeront tous jusqu'au dernier pour nous punir d'avoir osé investir leur territoire. Parfois, on les dépeint comme des dieux, redoutables et solitaires comme les dieux peuvent l'être, et qui voyagent à travers les déserts de l'espace, puissants et sages à un point que nous ne pouvons imaginer. He's an alcoholic, prescription drug dependent, gambling, bedridden, a porn addict. He's an alcoholic, prescription drug dependent, gambling, bedridden. Well, it says here that I'm an alcoholic, prescription drug dependent, gambling, debt-ridden, porn addict. Apparently, I'm an alcoholic, prescription drug dependent, gambling, debt-ridden, porn addict. I'm not an alcoholic. I only drink at weekends these days, and rarely during the week, only on special occasions. Okay, so I take a few tramadols, but my back's so bad I need to take them in order to get up in the morning. I have a flutter now and again. I did have a problem a few years ago, but it's now well under control. I emphatically deny that I watch any internet porn. I may have stumbled on a site now and again accidentally, but who hasn't? Yes, we love him. He's the day's man. Okay, I did have a bit too much to drink last night, but it was the Champions League. I do worry sometimes about the painkillers. I just won £500 backing Jason Day. Have you seen Nicola from Big Brother 1 on YouTube? It's hilarious. He's an alcoholic. No. I'm not. I think that's being a bit unfair. No, you don't. Yesterday's man. Well, you don't show it. If it wasn't for me, you'd still be in the shed. Oh, you are awful. No, you are awful. Yesterday's man. Thank you. time off of your hands. Put back your only taking chance. You could be everything that you need me for. And when you speak your eye on your taking floor. Back again, doesn't seem very smart. Every time the jury falls apart, you don't want to know. Looking back again, doesn't seem very smart. Every time the jury falls apart, you don't want to know. Just don't ask me. Someone I should know. While the points and laughs and steals the show. I didn't want to know. And I didn't ask you. You could be everything that you hate me for. And when you speak, you lie on your taken floor. And when you speak, you lie on your taken floor. Ces deux images opposées des Corleone Valullo sont bien sûr des images qui sourdent des profondeurs de l'esprit humain. Les démons et les dieux sont encore en nous. Stone, chubby clown, no way home. my whole life coming down on me? Or is my problem anxiety to death? Spent the last 2 days waiting a week, and I don't know how much more I can take. I only have one life to live, and I have given all I can give. I know I'm something that I didn't do right. Well, it won't feel a thing, we got to feel it tonight. I want to know, I wanna know, I wanna take myself so far away. I want to know, I wanna go, I wanna take myself so far away. I feel the night, night time, gonna be your friend to know. Je combats mes ennemis, donnez-vous. quoi demain. J'ai besoin de bras, je me présente, je suis le docteur Rockenstein. Ici plus de violence que la décadence. Il faut que tu danses, juste et en cadence. Faut pas que tu penses, sinon, sinon. Mais il y a les Corlevalulo et il y a les fêtes que nous connaissons sur eux. Nous savons qu'ils ont abandonné l'écriture à l'époque où ils entrèrent dans leur phase de construction galactique. Leur nom même nous est parvenu grâce au seul exemple de leur alphabet que nous ayons un symbole gravé au fronton d'une construction de l'Acaria. Nous savons qu'ils étaient non-humains. Ce n'est pas seulement par tout ce que suggère l'échelle de leur construction. Ils ont toujours bâti sur des planètes inhospitalières à l'homme. Two states. is on repeat. I can hear the screams of people who wanna be me. They wanna shave my top and tell the others that they were the ones who made me. Who made me? I got called an anarchist. That's for the middle class train spotters. I don't want my dog on a string. That's gonna hurt the thing. We got jobs and a mortgage clan and a car with a smoky window down. Blow to your life and lobby right up. It don't make sense, I know, look. The dinosaurs are stuck on Denmark Street. The boots of Hendrix lick my feet. I'm not bothered, I never was. It's a crap caravan on tits was. The dinosaurs are stuck, no way to get down. The meteor sinks its teeth in the ground. I'm not bothered, I never was. It's a crap gag from Spit the Dog. Cameron's hairdresser got an MBE. I said to my wife, you better shoot me. It's all gone, what do I do? Tell my daughter it's not true. Tell my daughter it's all gone wrong. Pete Tong, Pete Tong, Pete Tong. Get out of the mood, dog race. Get out of the way. Get out of the mood, dog race. Get out of the way. The dinosaurs are stuck on Denmark Street. The boots of Hendrix lick my feet. I'm not bothered, I never was. It's a crap caravan on tits was. The dinosaurs are stuck, no way to get down. The meteor sinks its teeth in the ground. I'm not bothered, I never was. It's a crap gag from Spit the Dog. Troisième avenue, Côte 2, pas de sirène. Une pile bâtie sur le fil, Deux Bleus et Dick Stensland en sortirent et se regroupèrent. Bud appuya sur l'avertisseur, Stensland s'approcha. « Qui y a là, collègue ?» Stensland montra une cahute du doigt. « Le mec dont la radio a parlé, peut-être d'autres. Il y avait peut-être quatre espingos et deux blancs qui ont descendu nos gars. Brownell et Helenovski. Brownell a peut-être le cerveau touché, Helenovski a peut-être perdu un œil. » Ça fait beaucoup de peut-être. Stens puait, Listerine et Jean. Tu veux chicaner ? Bud sortit de la voiture. Pas de chicanerie. Combien de mecs arrêtés ? Peau de balle, la première prise est pour nous. Alors, dis au bleu de rester planqué. Stens secoua la tête. C'est des potes à Brownell, ils veulent une part du gâteau. Que dalle, c'est pour nous. On les colle au trou, on rédige le motif et on sera bon pour la fiesta avant le changement de poste. J'ai trois affaires sur les bras, Walker Black, Jim Bean et Cutty. Thank you. sommeil sans rêve. La forme de son corps ne veut rien dire pour moi. Yeah. Exley, l'adjoint du commandant de poste, c'est un bêcheur et un emmerdeur, et tu peux parier qu'il appréciera pas qu'on s'imbibe en service. Ouais, et c'est Freeling, le chef de poste, et c'est un putain de poivreau comme toi. Alors, ne t'en fais pas pour Exley. Et avant ça, j'ai un rapport à rédiger. Alors, allons-y, un point c'est tout. Stems éclata de rire. A steady rain fell and froze on the sidewalk. Well, baby, we're on the ground. One thing in line, which guess would be invited to the zoo. Well, it looks like next to the most daring of those to survive. She lived in a basement apartment. Moved cat-like through the rooms. He had died and left her to struggle 10 years ago last June. Now he's walking across to her. Once again, he's the boss of her. It's important to understand the man you wanna find in the with fairies now and what the world agression et coups et blessures sur une femme. C'est quoi ça? 620,1 dans le code pénal de Californie. Moi, je suis un putain de poivreau et toi, t'es un putain de bon samaritain. Ouais, et t'es le plus élevé en grade. Alors quoi, on y va? Out. Stens lui fit un clin d'œil, Bud avança de flanc jusqu'au porche d'entrée, arme à la main. Il faisait sombre dans la cahute, tout rideau tiré. Bud entendit une pub radio, Félix le chat pour Chevrolet. Dick défonça la porte d'un coup de pied. Don't wear white. Don't wear white. side, one life, one fight, one thing to go. Resent our politics, it's one dance to sway nominees. And all the subsequent shit that they mother surface, ready to blow. And it's time again to join and check me. What feels a rift together, since I've been letting you down. I'm stuck on another cigarette, and the surface, ready to blow. Hurlement. Un mec, c'est une femme en train de s'engueuler. Stens qui vise à hauteur de tête. Bud qui lui bloque le bras. Un couloir. Bud qui se rapproche de la cible. Stens qui souffle comme un asthmatique à renverser les meubles. La cuisine, les deux espingouins bloqués en impasse contre la fenêtre. Wish I never think could be the same, like when she had it. y a un demi-siècle, De Gaulle a exprimé son inquiétude concernant le comportement éventuel du Royaume-Uni au sein du marché commun européen en évoquant le cheval de Troie, suggérant par là que les Britanniques joueraient le rôle de soldats de l'Empire américain une fois arrivés sur le sol européen. Aujourd'hui, au vu du comportement récent du gouvernement britannique, surtout lors des préparatifs et de la conduite de la Deuxième Guerre du Golfe, on est plutôt tenté d'évoquer le travail de la mule, porteuse docile et inépuisable, que celui plus subtil du cheval en bois qui a trompé la vigilance des Troyens. Comme au temps de De Gaulle, les menées britanniques soulèvent des interrogations en France. Malgré l'énorme publicité faite autour des convictions européennes du Premier ministre néo-travailliste, le doute persiste quant à l'attachement politique du gouvernement britannique actuel au continent européen et à son rôle réel dans le nouvel ordre mondial sous domination américaine. Qui plus est, si l'on examine l'évolution de la société britannique depuis la fin des années 70, c'est plutôt un renforcement que l'on constate de cette tendance ancienne. Non seulement l'alliance diplomatique et militaire anglo-américaine s'est-elle consolidée après une période de flottement dans les années 70, mais la société britannique elle-même s'est fortement rapprochée de celle forgée outre-Atlantique sous le rouleau compresseur de la révolution conservatrice. À beaucoup d'égards, la Grande-Bretagne devient de plus en plus américaine et de ce fait s'éloigne peu à peu de l'Europe, surtout de la gauche européenne qui, dans toutes ses composantes, continue à rester critique envers la politique intérieure et extérieure des États-Unis. I want to be stereotyped. I want to be classified. We'll be right back. to be stereotyped. I want to be classified. Et pourtant, le travail de la mule porte peu à peu ses fruits sur le continent européen. Un courant de sympathie pour le modèle britannique continue à grandir, surtout parmi les nouveaux membres de l'Union européenne. Il y a en France, contre vents et marées, parmi des figures importantes des champs médiatiques et politiques, des partisans de la voie britannique inaugurée par Thatcher et poursuivie par Blair. Ces partisans couvrent la quasi-totalité de l'éventail politique français, à l'exception de la gauche radicale. On est les shérifs et on fait du bruit. We'll be right back. Cependant, ce n'est pas une tâche facile au sein de la gauche française que d'exprimer ouvertement son admiration pour le projet blairiste. Et c'est sans doute pour cette raison que la plupart de ceux et de celles qui œuvrent à la construction d'un blairisme à la française se gardent bien de trop insister sur le caractère exemplaire de l'œuvre de celui qui se présente volontiers comme le pourfendeur de la vieille gauche européenne. Il y a bien sûr, au sein du Parti Socialiste Français, ceux et celles qui proclament ouvertement et bruyamment leur soutien à la modernisation préconisée par les blairistes. On pense par exemple au maire de Mulhouse, Jean-Marie Bockel, promoteur de la « gauche moderne », entre guillemets, est toujours prêt à apporter un soutien sans faille aux néo-travaillistes, ou au sénateur socialiste et ancien ministre des Finances de Mitterrand, Michel Charasse, qui proclame publiquement son accord avec l'analyse développée par Blair à l'Assemblée nationale française en 1997, selon laquelle la politique économique n'est ni de gauche ni de droite, mais bonne ou mauvaise. Et qui, lors d'un colloque universitaire tenu à Clermont-Ferrand en novembre 2000, a affirmé que Blair, à la différence de Jospin, a hérité d'une économie saine et modernisée par les thatchériens. Mais ce sont, somme toute, des personnalités plutôt marginales dans le Parti Socialiste actuel, et leur blairisme pourrait être rangé au rayon des excentricités, au même titre que les bretelles et les cigares du sénateur. Cependant, comme nous le verrons, le travail de diffusion du modèle blairiste a des soutiens intellectuels et politiques autrement plus solides au sein de la mouvance socialiste et au-delà, et mérite, si ce n'est que pour cette raison, que l'on y regarde de près. Marche ou crève, marche ou crève, marche ou crève. on va mettre la France au pas. La dictature économique, c'est ça mon programme politique. Oui, élu par le FN, je remercie Marine Le Pen. On se rend service entre bourgeois, riches et riches, on est comme ça. Maintenant, je suis ton président, président, président. Oui, du con, oui, du blanc, oui, du blanc, oui, du blanc. Va falloir rentrer dans le rang, dans le rang, dans le rang. Où tu finiras en mitard, une matraque en suppositoire. La France en marche, marche ou crève, marche ou crève, marche ou crève. La France en marche, marche ou crève, marche ou crève, marche ou crève. La France en marche, marche ou crève, marche ou crève, marche ou crève. La France en marche, marche ou crève, marche ou crève, marche ou crève. Bienvenue en Macronie où les riches enculent les petits. On va te faire une vie d'enfer, toi le prolo, le fonctionnaire. Mélenchon, mitard, la France insoumise au placard. On m'appelle Macron le banquier, ma devise c'est l'imbécile. Maintenant je suis ton président, président, président. Va falloir rentrer dans le rang, dans le rang, dans le rang. Maintenant je suis ton président, président, président. Va falloir serrer les fesses, car j'envoie les serres. La France en marche, marche ou crève, marche ou crève, marche ou crève.